Enfin, quand on est tout petit, on nous parle, on nous compare beaucoup à des animaux, pour nous expliquer les choses, etc. Et puis d'un coup, paf, bah non, en fait, faut pas aller jusqu'au bout de la réflexion, jusqu'au bout de l'expérience de vie avec l'animal, etc. Et tout à coup, paf, c'est le clash. Et là, ça devient quelque chose qui est complètement en dehors de nous. Et en même temps, de temps en temps, on reprend des références pour faire des symboles. Qui caractérise, enfin, qui donne tel ou tel caractère de l'humain, telle ou telle manière de voir les choses. On compare avec des animaux pour pouvoir le justifier, pour pouvoir parfois même le mettre en valeur, c'est assez délirant, ou inversement. Mais tout ça, ça fait partie quand même comment dire, de la manière de penser l'animal, l'animal d'ailleurs, le grand fourre-tout, la grosse idée, l'objet comme ça. Et qu'on peut malaxer dans tous les sens, ça devient plus que de la matière, et du coup ça justifie, ça engendre, ça banalise aussi toute l'exploitation, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est permis, que même des gens qui sont à fond pour la cause animale, ils vont être super et démunis ou hyper tolérants vis-à-vis de gens qui exploitent les animaux, quoi. Et même qui les font subir des atrocités, quoi. Enfin, moi, des fois, plein de fois, ça me surprend à quel point je suis passive, tu vois, sur des trucs qui se passent vraiment devant moi, quoi. Enfin, ça me questionne énormément, en fait, quand même. Alors que d'un autre côté, politiquement, je vais avoir un discours assez radical. Moi-même, je vais essayer de vivre des expériences, enfin, de pousser des expériences sur le véganisme assez loin. Et du coup, je sais pas, c'est un peu curieux, quoi, comme. Clairement, enfin, pour moi, le véganisme, franchement, enfin, forcément, il y a une notion de conflit à un moment ou à un autre. C'est la question, en fait, du rapport, comment dire, au pouvoir, clairement, quoi. Quelqu'un qui est vegan et qu'on va lui faire de la bouffe pour lui en tant que vegan, mais en soi, ça remet pas en cause au niveau culturel, on va dire. C'est que, pour moi, en fait, il y a pas à transiger. C'est soit c'est vegan, soit c'est pas vegan. Mais le truc d'aménager, comment dire, des régimes spéciaux, exactement, ouais. On va dire que c'est sûr qu'individuellement, c'est pratique, c'est commode. Mais pour moi, je pense qu'il faut justement porter une notion conflictuelle. Alors, c'est pas forcément venir aux mains et en compagnie, mais au moins déjà, ouais, se positionner, quoi. Et même de manière plus globale, en fait, je pense que c'est un gros défaut aussi de beaucoup d'associations, beaucoup de gens, en fait, dans la cause animale. On va dire, c'est que globalement, il y a le refus de voir, en fait, que bah, la société dans laquelle on vit, elle cautionne clairement l'exploitation animale, et c'est pas par, comment dire, en l'aménageant que les choses vont changer, parce qu'elle est basée entre autres sur. Enfin, c'est une des assises de la société, c'est l'exploitation, la domination sur les animaux, sur la nature, etc. Vouloir faire des aménagements avec, comment dire, plus de bien-être animal, on prend l'exemple de l'Autriche, même en ayant des stratégies réformistes, ils ont quand même fini en procès parce qu'ils allaient un peu trop loin. C'est que quand on commence à ouvrir un peu trop notre gueule, au bout d'un moment, forcément, bah, on dit, ah bah non. Tu peux pas voir rouge à chaque 5 minutes non plus, ce côté genre. Parfois, il y a des gens qui en profitent bien de manger de la viande, là, et t'es là, tu veux pas rentrer en conflit tout le temps, parce que c'est quand même un truc autour de la table, on en parle beaucoup, dès qu'il y a des véganes là, ça suscite au carniste souvent, un peu de trucs, c'est devoir se justifier, du coup, t'es un bouc émissaire, ils vont aussi chercher, peut-être toi, tu l'expériences moins qu'elle, ce truc de bouc émissaire, ils vont pointer là, leur vengeance quelque part pour la remise en question, leur fascisme qui ressurgisse, tout ça, le micro-fascisme notamment. Et ce côté, mais du coup, à quel point, où se mêler, quoi. Quelque part, toi, tu parlais du blocage, de rester bloqué dans des rages, ouais, les animaux, ils veulent pas ça, ouais, moi, je suis un animal. Comme par exemple le slogan, je trouve ça trop beau, nous, on ne défend pas la nature, nous, on est la nature qui se défend. C'est trop la rage que les gens peuvent. Ces gens sont pas assez matures ou sont, je sais pas comment le définir, comment sont pas assez devenus minoritaires, sont pas assez réalisés l'atrocité, ce qu'ils font, qui assument ça, quoi. Mais du coup, aussi éviter tous les pièges là-dedans, mais ça, c'est de longues discussions sur divers sujets, dans le piège de l'identitaire, le piège de rester bloqué dans un genre misanthropie trop féroce, parce que c'est pas chouette à vivre, ça. Même si l'humain, pour moi, il est assez dégueu. Dans ce forme de micro-fascisme, l'humain, il est déplorable. Qu'est-ce que tu appelles le micro-fascisme? Le micro-fascisme, c'est toute notre forme d'aimer la pouvoir quelque part. Tu peux le définir comme ça. Le micro-fascisme, c'est aussi comment les cyniques disaient par exemple, tu veux transformer le monde, commence par toi-même. C'était les cyniques qui étaient très peu traités pour des chiens en grec, les koïnes et les chiens. Du coup, toute notre forme de c'est trop facile pour moi d'être antifa et de dire ouais, lui c'est un facho, je veux le buter et du coup le monde sera mieux. Non, d'abord pour moi le passage pour moi c'est le devenir, de regarder en soi-même comment moi je suis fasciste, comment moi je participe à ce système. Par exemple, je vois plein de vegans aussi, ça, j'aime bien les formes d'autocritique aussi par rapport à ça, plein de vegans qui sont là dans un truc de santé, de ah c'est bien pour ma santé, c'est une idolâtrie du corps. Même j'aime bien le corps, mais ce truc de sa santé qui est plus important que la souffrance des autres humains ou animaux, peu importe. Les microfascines, notre forme d'écraser l'autre pour être mieux soi-même, cette forme de pas pouvoir être sur des bases d'égalité, d'avoir des bases anti, parce que pour moi ça passe aussi par l'antispécisme, nos relations avec les animaux, mes relations avec les animaux, je sais qu'ils font antispécistes, antifascistes, ce truc-là. Notre prise de pouvoir, notre façon de couper l'autre, si est basée par la domination qui est gérée par cette société, où c'est une facilité de, par exemple, couper une femme quand elle dit un certain truc de travail. Tout ça, c'est des formes de prise de pouvoir où on aime le pouvoir. Du coup, tu n'utilises pas les médocs qui sont prescrits sur le marché. Du coup, c'est tout un truc qu'on nous a volé par rapport à la médication autre, par exemple, par les plantes, par tout ça. Ça nous a volé cette connaissance. Du coup, pour se guérir soi-même, pour garder un peu de santé quand même, c'est pas évident de faire ça d'une façon antifasciste. De la même manière, en fait, qu'on nous a volé les espaces naturels qui pourraient faire que on puisse être autonome en alimentation et en étant végétalien par le biais de, par le fait de manger des plantes qui sont quand même assez riches en minéraux, en protéines, en vitamines, toutes les baies qu'on nous a carrément fait disparaître, en fait. Enfin, très clairement, les forêts, elles ont été coupées et replantées. Comme on n'a plus d'alimentation, bah, du coup, il faut passer au jardinage, à l'agriculture, etc. Et qui, en fait, est une démarche hyper judéo-chrétienne, quoi. On te donne du labeur parce que, autrement, ça te laisse du temps pour faire des péchés, quoi. Notamment baiser, se rencontrer, avoir d'autres rapports sociaux. T'es obligé de travailler la terre, mais si tu veux avoir une production suffisamment intéressante pour pouvoir, du coup, retrouver une certaine autonomie en alimentation, du coup, t'es obligé de passer par l'exploitation animale, que ça soit par le tractage, l'engrais aussi. Et même, il y en a qui ont des formes de culture où, en fait, ils utilisent, par exemple, la corne ou les os des animaux comme engrais, quoi. Et après, ce qu'on voit qu'il faut filer, je sais pas combien de kilos de grains une bestiole pour manger un kilo de viande, ou enfin, quand je vois un peu des communautés qui essaient de se monter, j'ai l'impression que ceux qui se cassent la gueule, c'est ceux qui se jettent sur l'exploitation animale. On veut faire comme les vrais fermiers, on va faire du cochon, on va tuer le cochon, on va faire des poules avec des œufs, on va faire, j'en sais rien, des vaches laitières, des chèvres et tout. J'ai l'impression que c'est eux qui se cassent la gueule, alors que tous ceux qui sont vachement orientés sur le végétal, eh ben, ils arrivent avec moins d'efforts à beaucoup plus facilement se... Enfin, j'ai pas l'impression qu'en fait exploiter les animaux en plus, c'est quelque chose qui va nous avantager du tout, quoi. J'ai l'impression que ça demande vachement de temps, d'énergie, et tout ça c'est juste pour... Enfin, avec toute la démarche là de retour à la terre, tu vois, de retrouver son alimentation, enfin tu vois, son autonomie au niveau alimentaire, etc. Mais alors l'animal, il est au centre vraiment du truc, quoi. Enfin, c'est pour ça que ici les gens ils montent une chèvrerie, et même ceux qui se sont installés en tant que maraîchers, ils ont voulu engraisser un porc, machin, enfin tu vois, il a fallu qu'on leur prenne la tête pour que ça se passe pas, en fait. Et même des gens véganes ou qui se disent proches de ces idées-là, tu vois, pour labourer leur champ, ben, tu vois, ils vont pas le faire à la main. Tu vois, au mieux, pour eux, c'est bien la traction animale, c'est mieux qu'un tracteur, quoi. En fait, je dis pas que l'exploitation animale, c'est l'exploitation de l'humain, quoi. Enfin, pour moi, ça va avec. T'es entièrement prisonnier de l'animal. Et, enfin, tu vois, je plains pas les humains qui sont dans cette position. Hein. Mais n'empêche que, en enlevant toute l'autonomie qu'on peut avoir... dans la nature, que ça soit pour s'alimenter ou autre, quoi. Enfin, tu vois, on nous enlève un truc et on nous rapporte un autre système, tu vois, auquel on est obligé de se raccrocher parce que finalement, il reste plus que ça, tu vois. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui, on veut se nourrir que de plantes sauvages sur la ZAD, en fait, on est dans des régions où on pourrait clairement le faire. Normalement, il y a suffisamment de plantes sauvages en quantité et en variété dans nos régions. En plus, il fait beau, il pleut tout le temps, enfin bon... Et en fait, il n'y a rien. Enfin, tout a été détruit, et je pense clairement que c'est fait consciemment. Et comme c'est détruit, tu vois, il n'y a pas une loi qui t'oblige, en fait, à faire partie du monde industriel, au capitalisme. Mais n'empêche que tout est orchestré autour pour que tu n'aies pas le choix en fait et que tu sois obligé d'être dans ce système là quoi. Juste en fait, je suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu dis. Enfin, sur ce truc là qu'on nous a enlevé, les moyens de se nourrir et tout. Enfin, d'après mes connaissances, enfin, je pense que dans les gens comme ici par exemple, c'est clairement très dur de se nourrir que de plantes sauvages, trucs comme ça. Je pense que c'est assez dur hein. Dans des milieux autres que tropicaux ou équatoriaux, quoi. T'as quand même une grosse floraison de végétaux dont tu peux te nourrir, ce qui est pas non plus le cas ici. Non, parce qu'on a tout détruit, quoi. C'est simple. Mais c'est quoi que t'as fait, on a tout détruit? Bah, les forêts ont toutes été recoupées, elles sont replantées, elles sont sélectionnées. Du coup, s'il y a pas de... Tu vas clairement dans les forêts, alors... Si, tu as trouvé des châtaigniers, super, tu vois. Mais toutes les autres arbres à baies, par exemple, ça n'existe plus, quoi. Tu vois, ça n'existe plus, il y en a plus, quoi. De temps en temps, tu tombes sur un cynorhodon, t'es super content, tu vois. Mais normalement, il devrait y en avoir partout. Il devrait y avoir des argousiers, il devrait y avoir des néfliers partout, des pommiers sauvages, des poiriers sauvages, enfin, etc. Il devrait y en avoir partout, en fait. Et ils ont tout niqué. Et quand moi j'étudie les plantes sauvages pour me soigner, etc. Tu vas dans la campagne, il y a des plantes, tu vois, dans tes bouquins, il devrait y avoir en avoir des tapis entiers, tu vois, partout, et il y en a pas quoi. Ou alors tu tombes sur la petite touffe là que du coup tu peux pas récolter parce que tu vois, tu te dis ah bah peut-être ça va prendre, tu vois, un peu du temps, mais peut-être ça va revenir dans nos régions. Enfin, c'est un truc de ouf total quoi. Ils ont complètement tout niqué quoi. Et que ça soit directement en coupant. Ou indirectement du fait des pesticides et compagnie qui sont mis partout.